t'as entendu? Mais pourquoi ça, ça venait d'où ton bruit? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors t'as entendu là? Oh, c'est eux! C'est eux! Je te dis que c'est eux! Oh putain, mais qu'est-ce qu'on fout, merde! Ils font du report! Ils font qu'on appelle du monde! Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, un procès révélateur des antagonismes qui déchirent la société française des années 90 et une plongée dans un genre musical qui dérange autant qu'il dénonce, le rap. Au lendemain des émeutes qui secouent les banlieues françaises en 2005, 200 parlementaires UMP demandent au ministère de la Justice d'engager des poursuites contre 7 groupes de rap français. Le ministère amer, par exemple, Lunatic ou encore le 113 sont accusés d'entacher par leur texte la dignité de la France et de l'État. Ni la plainte ni la proposition de loi qui suivra n'auront de suite. Pourtant, par le passé et à plusieurs reprises, des rappeurs ont été condamnés par la justice pour des propos jugés offensants à l'encontre des autorités. Parmi eux, un groupe emblématique, NTM. En 1995, les deux chanteurs du groupe, Joey Starr et Kool Shen, sont épinglés par les syndicats de police après un concert virulent dans le Var. Leur procès divise alors le monde politique dans un débat complexe où se mêlent des questions aussi variées que les banlieues, la jeunesse, la sécurité, la liberté d'expression, le droit ou la morale. Notre invitée aujourd'hui, Bettina Guillot, chercheuse en littérature à l'Université Paris 3 et auteure du livre intitulé « Sans faute de frappe » publié chez Le Mot et le Reste en 2016. Et puis vous entendrez un reportage d'Anaël Verzo qui est allé rencontrer Joel Fello, un jeune rappeur parisien condamné en 2017 pour son morceau « Bavure ». Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacuboviez. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Madame, Monsieur, bonsoir. Scène d'émeute et de pillage à Vaux-en-Velin, une cité dortoir près de Lyon, après la mort controversée d'un jeune motard hier après-midi. Le 6 octobre 1990, les Français assistent pour la première fois sur leurs écrans de télé à ce qui deviendra un poncif médiatique. À Vaux-en-Velin, près de Lyon, les caméras filment des scènes de guérilla urbaine, selon l'expression consacrée. Suite au décès d'un jeune homme, Thomas Claudio, percuté par une voiture de police, la ville s'embrase. Des voitures, mais aussi un bar et un supermarché sont incendiés par des jeunes de Vaux-en-Velin. Pendant plusieurs jours, ces émeutes font la une. Chômage, racisme, exclusion, manque d'intégration, rapport difficile avec la police. La presse souligne les causes de ce qu'on appelle déjà la crise des banlieues, alors que d'autres émeutes éclatent dans les quartiers populaires tout au long de cette décennie 90. À Sartrouville, Vénissieux, à Val-de-Reuil, Vaux-en-Velin encore, Laval, Fontainebleau, Toulouse, Lyon, à chaque fois, ce sont de possibles bavures policières qui ont mis le feu aux poudres. Les journalistes ne parlent pas encore de casseurs à l'époque, mais de zoulous, désignant ainsi les coupables. Au même moment, un nouveau courant culturel venu des États-Unis émerge en France, le hip-hop. Le rap, c'est vrai, 10 ans après ses débuts aux États-Unis, remplit la fonction qui était celle du rock à ses origines, à savoir exprimer la réalité de la rue et de la jeunesse. Mais le rap, ça n'est pas seulement le médaillon d'or autour du cou, les Adidas et le célèbre « Yo, man, my gold, my chain ». Non, le rap, c'est également la violence, c'est également le crack, c'est également le chômage, c'est également la marginalisation de toute une importante partie de la jeunesse noire et hispanique aux États-Unis. Mais peut-on rapper en français alors qu'on avait déjà du mal à rocker en français? On a l'impression que oui, depuis quelques semaines, où l'on entend du rap sur les radios, un tout petit peu seulement, parce que le rap, ça continue à faire peur, puisqu'on ne sait pas exactement ce que c'est. Et puis, le rap, on en entend parler à l'occasion de l'actualité, à propos des bandes, à propos des zoulous. Le mouvement hip-hop HIP regroupe des rappeurs, des DJ, des danseurs adeptes du breakdance et des graffeurs. Pourtant, malgré la diversité des pratiques, l'intérêt esthétique et artistique du hip-hop intéresse moins que le sens qu'on lui prête. L'expression « la mal-être » devient celui des ghettos aux USA et des banlieues en France. Alors que le tag devient chez nous un problème public, l'amalgame hip-hop, vandalisme, délinquance, émeute est fait. Dans ce contexte, évidemment, le rap est souvent mal perçu quand on ne le connaît pas. Au mieux, il est l'expression du désordre qui règne dans les banlieues, au pire, la source de cette violence. Et toujours, le rap reste pour la majorité des Français la musique de l'autre. Le jeune, le pauvre, le banlieusard, l'immigré. Si la médiatisation du rap au début des années 90 est aussi importante que soudaine, elle s'effectue sur un mode unique, à distance. Le rap n'est quasiment jamais regardé comme un fait musical, esthétique, potentiellement accessible à qui n'habite pas la banlieue, non. Non, le rap, c'est le mode d'expression des jeunes des périphéries, pense-t-on, comme si ce qu'il exprimait, chômage, drogue, racisme, ne concernait qu'eux. Quand ils ne sont pas tournés en dérision, caricaturés, les rappeurs sont regardés comme des extraterrestres par des journalistes qui ne savent pas toujours comment appréhender leur façon de parler, leur insoumission, leur spontanéité. Pourtant, la nouvelle médiatisation dont bénéficie le rap s'explique aussi par un succès commercial croissant. La toute première compilation du genre, Rap Attitude, qui regroupe dès 1990 des morceaux d'Assassin, NTM ou Tonton David, est une réussite. Sur M6, Olivier Cachin, qui deviendra le spécialiste français du rap, anime chaque semaine une émission musicale alors unique en son genre, dédiée au hip-hop rapline. Mais il faut attendre le milieu des années 90 pour que le rap sorte véritablement de l'underground. En 1995, c'est même la consécration. Les disques d'or se multiplient, tandis que MC Solar et IAM sont les premiers rappeurs à recevoir une victoire de la musique. Un succès commercial réel, qui repose aussi sur une loi votée par le Parlement en 1994. Les radios publiques et privées doivent désormais diffuser 40% de chansons d'expression française à des heures d'écoute significatives. Le précurseur Radio Nova, qui diffuse du rap depuis la fin des années 80, est bientôt rejoint par Skyrock, qui, malgré son nom, se tourne vers le rap français. Parmi les rappeurs qui occupent désormais les ondes, un groupe impose son style dur, âpre, violent parfois, c'est NTM. Depuis 1988, Kool Shen et Joey Starr, les deux chanteurs, n'ont cessé de délivrer un rap dit hardcore, bien différent des rythmes et des textes d'un rappeur à succès comme MC Solar, plus cool, plus intello, plus consensuel aussi. Tandis que le rappeur préféré de Jack Lang se verra bientôt récompensé par l'Académie française pour ses chants poétiques, les rappeurs de NTM, eux, crient ouvertement leur dégoût pour le Front National, le racisme, l'injustice. Ouvertement, oui, violemment parfois, quitte à déplaire et à choquer. Saint-Denis avec sa cathédrale, son hôtel de ville construit au début du siècle, ses rues piétonnes où fourmillent les riverains, et puis NTM 93, les rebelles. NTM, c'est le discours d'une génération, c'est le franc-parler de leur vie de tous les jours. On se positionne pour personne, tu vois, on a relaté une évidence, tu vois. Ça, je l'ai vécu, ce que je te raconte, je l'ai vécu, quoi, tu vois, je l'ai vu, donc... Voilà quoi, c'est tout. NTM, c'est une bande de garçons et de filles, pardon, de ladies, qui ont voulu profiter de leur goût et leur don pour la musique pour faire passer un message. Lookés comme les vrais rappeurs d'outre-Atlantique, ils se produisent déjà sur de nombreuses scènes où ils offrent les chansons de leur premier album. Tu vois, ça arrive pas à tous les jeunes, quoi, la possibilité de parler et qu'on puisse capter notre truc, tu vois ce que je veux dire? Donc, eh ben, on en balance, quoi, on est des agitateurs. NTM, ça décoiffe. À voir absolument s'ils passent près de chez vous. Guy Morville et Bruno Lopez ont 19-20 ans. Ils pratiquent le graffiti et le rap avec leurs amis au sein du groupe 93 NTM, sous le surnom de Joey Starr et Kool Shen. S'ils donnent déjà des concerts, ils restent encore méconnus des non-initiés. Jusqu'à cette première apparition télé, en février 90. La chanteuse punk Nina Hagen, chroniqueuse sur Canal+, les invite à se produire sur le plateau de la chaîne cryptée. La voix éraillée de Joey Starr et la verve fougueuse de Kool Shen font mouche. Très vite, Epic, un label de Sony, mise sur eux. Très vite, 93 NTM devient Suprême NTM. Les deux rappeurs écrivent Authentique, un premier album dont la sortie coïncide avec la mort de Thomas Claudio à Vaux-en-Velin et les émeutes qui explosent alors en France. Et justement, c'est ce que raconte NTM. La banlieue, la police et ses violences, le manque d'espoir. Suit un deuxième album, 1993, J'appuie sur la gâchette, qui connaît comme le premier un succès honorable, mais pas encore la gloire. Le problème majeur que rencontre NTM, c'est que ses titres ne passent pas à la radio. pour Énergie, la nouvelle radio jeune, et d'autres radios commerciales, il faut du positif, du jeune, pas des diatribes sur la banlieue et ses difficultés. Et puis ce nom NTM, tout de même, c'est un souci. Certes, Cool Chain et Joey Starr expliquent qu'il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, mais enfin, nique ta mère, ça passe mal dans les chaumières. Puis on ne comprend pas ce nique ta mère, un étrange concept, non ? Joey Starr lui-même le reconnaîtra plus tard. Ce nom, NTM, c'est une épine dans le pied. Il en explique le sens sur France Inter en 1993. Et pourquoi alors, c'est peut-être l'explication du premier, du nom que vous portez toujours. On dit pudiquement ici autour des micros NTM. C'est peut-être votre maison de disques qui veut ça, hein. Mais, pas du tout, non. Non, nous c'est Nique ta mère, même chez eux. Alors pourquoi Nique ta mère, c'est violent ça? Pourquoi Nique ta mère? Ouais. Bah, parce c'est violent a, comme pas, on peut s'appeler pourquoi autrement. Pourquoi Nique ta mère? Parce qu'il y a urgence, quoi. Et que il y a que par la virulence qu'on sent l'urgence, quoi, malheureusement ici. Mmh. Et c'est l'explication aussi du titre de votre nouvel album, J'appuie sur la gâchette, là aussi. Aussi, c'est toujours l'urgence. Mmh. Mais l'urgence, c'est pas forcément la violence. L'urgence, c'est aussi humanitaire. J'ai pas parlé de violence, j'ai parlé de virulence. Ah, pardon. Parce que quand on tape du poing sur la table, il y a comme ça qu'on nous écoute, malheureusement, quoi. J'ai fait les AMJC, je peux vous le dire, quoi. Le sens de NTM est donc à trouver dans la mission que le groupe s'est donnée, enlever les œillères. Comme le dit Joey Starr à Christine Lamazière, toujours sur France Inter, il s'agit de décrire la société telle qu'elle est pour attirer l'attention sur les inégalités et les injustices qui la traversent. Va faire un tour dans les banlieues, regarde ta jeunesse dans les yeux. Toi qui commandant au lieu, mon appel est sérieux. On ne prend pas ça comme un jeu, car les jeunes changent. Voilà ce qui dérange. Ce sont les mots de Joey Starr dans Le Monde de Demain, le premier single de NTM. Un message qui trouvera bientôt son public. Le 28 mars 1995, le groupe sort un troisième album, celui qui saura attirer l'attention, si ce n'est des hommes politiques, du moins celle des jeunes et des médias. Il s'appelle Paris sous les bombes. Il joue sur l'ambiguïté du mot en désignant les bombes aérosols des graffeurs. L'album se vend à 500 000 exemplaires et NTM est invité à se produire au Zénith de Paris. Reportage sur France 2 avec Cool Chain. Façon de voir de citoyen, c'est simplement ouvrir sa gueule comme nous on peut l'ouvrir sans avoir de... Enfin, quelqu'un derrière nous pour nous dire ça, tu dois pas le dire. Ça, déjà, c'est faire son travail de citoyen, c'est déjà faire de la politique. Mais non, moi, je pense pas que le travail du rappeur, c'est de faire de la politique. Parce que la politique, c'est aussi amener des solutions, c'est résoudre des problèmes. Un rappeur, il résout pas de problème, il est là pour constater et dire ce qu'il a à dire, puisqu'il a un œil bien placé. Cool Chain et Joey Starr insistent. Si leur rap est politique, eux ne font pas de politique. C'est souvent ce qu'on dit quand on en fait, justement. Car enfin, à travers ces paroles, NTM constate les manquements de la société et de l'État, notamment vis-à-vis des banlieues, si ce n'est pas politique. En revanche, les rappeurs refusent de se faire symbole ou porte-parole. Or, face à l'incompréhension et aux craintes que suscitent les banlieues en France, certains considèrent au contraire que le groupe aurait pu guider politique et journalistes dans ces territoires à la façon de Virgile qui conduisait Dante aux enfers. Mais NTM refuse de jouer ce rôle et de servir des institutions qu'il dénonce, et surtout pas les médias. Connu pour son franc-parler, Joey Starr en fera rapidement les frais. En 1990, France 2 diffuse des images du rappeur invectivant très violemment un journaliste de la chaîne, apparemment sans raison. Des images, en fait, décontextualisées, que l'on retrouve en version longue dans Authentique, un documentaire réalisé par Alain Chabat. Là, on y voit Joey Starr regretter le parti pris des questions du journaliste et expliquer les raisons de son mécontentement. Mais c'est la brutalité des images de France 2 qui restera dans les esprits, marquant durablement la médiatisation du groupe et même du rap dans son ensemble. Désormais, le rappeur est décérébré, violent et politiquement inconséquent. Finalement, il s'est passé beaucoup de choses hier pour le second tour des municipales. Plusieurs dizaines de villes ont changé de bord, aussi bien à gauche qu'à droite. Et le Front National, pour la première fois, a remporté plusieurs grandes mairies, dont celle de Toulon, une ville de plus de 170 000 habitants. Le parti de Jean-Marie Le Pen a finalement gagné là où on ne l'attendait pas. Bruno Maigret a été battu à Vitrolles. Marie-France Tirebois a échoué à Dreux, mais Jean-Marie Le Chevalier a donc réussi à Toulon. Victoire du Front National également à Marignane et à Orange. Juin 1995, la percée frontiste provoque une onde de choc. D'autant qu'un mois et demi plus tôt, le Front National s'est divisé 15% des électeurs au premier tour de la présidentielle. En réaction à l'élection d'un maire frontiste à Toulon, SOS Racisme organise un concert à la Seine-sur-Mer, dans le Var, le jour de la fête nationale, donc le 14 juillet. C'est aussi l'occasion de célébrer la mémoire d'Ibrahim Ali, un jeune Comorien tué par des colleurs d'affiches du FN l'hiver précédent. À l'affiche, des stars grand public comme Patrick Bruel ou MC Solar, mais aussi des groupes moins attendus dans ce genre d'événement comme NTM, Cool Shen et Joystar, avancent hors des chemins balisés, eux qui sont plus habitués aux petites salles et aux fosses déchaînées qu'aux familles varoises et aux concerts en plein air. Et le spectacle commence bien. Sous le soleil de juillet, 35 000 personnes, dont une grande majorité de jeunes, profitent du show. Car Joystar et Cool Shen sont des bêtes de scène. Ils invitent la foule à lever les mains, à sauter, à chanter avec eux. Entre les rappeurs et le public, une trentaine de gendarmes mobiles assistent aussi au concert, tout en assurant la sécurité. Et la police et le rap, ce n'est pas une histoire d'amour. NTM est loin d'être le seul groupe à égratigner le bleu marine. Alors on se toise, on se charrie. En bas, dans la fosse, des gendarmes montrent les rappeurs du doigt, les apostrophes. Joystar s'adresse directement à eux. Il leur dit « Vous n'avez rien d'autre à foutre un jour pareil, les gars ?» Un policier lui répond « Joystar, surenchéri, aujourd'hui t'as perdu, moi j'ai un micro. Je dis un mot, t'as perdu. Aujourd'hui c'est notre jour, pas le tien. Allez, faites-vous tout petit. » Dans le public, on crie, on applaudit, la foule approuve les rappeurs. Le suprême MTM entame alors l'un de ses morceaux phares, « Police ». Police, moi j'ai ma crise de cervelet. Mandaté par la justice sur laquelle je pisse. Mandaté par la justice sur laquelle je pisse. Est-ce que ça en est la police? À la sortie du disque en 1993, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, avait lancé une plainte contre le groupe. Sans suite. Mais cette fois, Joystar accompagne le morceau d'une introduction des plus explicites. La police, ce sont des fachos, explique-t-il au micro. C'est eux qui assassinent. Où sont ces enculés de bleu et la justice qui nous emmerde toute l'année? Ces gens-là sont dangereux pour nos libertés. Nos ennemis, c'est les hommes en bleu. Ils attendent que ça parte en couille pour nous taper sur la gueule. On leur pisse dessus. Dans la fosse, les gendarmes font profil bas. Certains prennent peur. Et si le public prenait le discours de NTM à la lettre et se retournait contre eux? Heureusement, le concert se termine sans encombre. Mais les gendarmes sont tendus. On serait à moi. Dès le lendemain, avec le soutien du préfet du Var, Jean-Charles Marchiani, il porte plainte contre le groupe pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions. L'ensemble des syndicats de police se constituent partie civile pour soutenir leurs collègues varois qui réclament une condamnation symbolique afin de sanctionner ce qu'ils appellent du racisme anti-flic. Marchiani, le préfet du Var, mortifié, affiche publiquement son opposition à NTM. Celui qui se dit publiquement représentant de l'État, chrétien et homme, soutient le maire frontiste de Toulon dans sa croisade contre la venue de NTM au prochain festival Connexion Hip-Hop de Château-Vallon. Sous la pression financière et après le concert de la Seine-sur-Mer, le programmateur du festival est contraint de déprogrammer Joystar et Cool Shen, les trublions du rap français. Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume, donc encore moins d'espace. Vital et nécessaire, l'équilibre de l'homme. Quand personne n'est séquestré, mais c'est tout comme c'est comme de nous dire que la France avance alors qu'elle peut par la répression stopper net la délinquance. S'il vous plaît, un peu de bon sens. Les cons ne régleront pas l'état d'urgence à gauche. Mais ce qui m'amène à me demander combien de temps tout ceci va encore durer. Ça fait déjà des années que tu t'aurais dû péter. Dommage que l'unité n'ait été de notre côté. Mais vous savez que ça va finir mal. Tout ça, la guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles des jeux? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles des jeux? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on Mais qu'est-ce qu'on attend? Je l'ai fait, que vivre baïonné en effet. Comme le veut la société, c'est un fait. Mais il est temps que cela cesse. Passe à l'allégresse pour que notre jeunesse d'une main vengeresse brûle l'État. Policiers en premier, envoie la République brûler au même bûcher. Ouais, notre tour est venu à nous de jeter les pieds. Décidez donc, mentalement de s'équiper. Toi, Timiro, tu vois pas, tu fais semblant, tu m'entends pas. Tu crois plutôt que tu ne t'attends pas vraiment le choix. Beaucoup, beaucoup sont déjà dans ce cas. Voilà, voilà. Pourquoi cela finira dans le désarroi? Désarroi, déjà roi. Le monde a donné l'exemple. Charrois, t'es Charrois. Subirai la même pente. L'argonne est lent. C'est pourquoi j'en attendais. Putain de politiques incompétentes. Ce qui a diminué la France. Donc là n'est plus à l'indulgence. Mais on fait par le feu. Ce qui a mes yeux. Sans mettre le mieux. Qu'on nous prenne un peu plus au sérieux. Oh mais qu'est-ce qu'on attend? Dorénavant la rue ne pardonne plus. Ces bouts de feu ont-ils songé un instant au risque qu'ils faisaient courir aux uns et aux autres? N'était-ce pas une incitation au crime? Tels sont les mots de Pierre Cortès, le procureur de la République adjoint à Toulon, lors de son réquisitoire devant la cour le 14 novembre 1996. Joey Starr et Cool Chen, Didier Morville et Bruno Lopez en civil, les accusés ne sont pas là. C'est le procureur lui-même qui a donné l'autorisation aux rappeurs de ne pas se présenter suite à une requête de leur avocat maître Michel Blum qui craignait que leur présence n'entraîne des incidents devant le palais de justice. Pour ses clients, plaît-il, eh bien les propos qu'ils tiennent dans leurs chansons ou sur scène ne sont qu'un exutoire à la violence et en aucun cas une incitation. D'ailleurs, aucun incident violent contre des policiers ne peut être imputé à NTM, ni dans le Var, ni ailleurs. Face à l'avocat de NTM, Maître Spang et Maître Esclapez représentent, eux, la FPIP et la FASP, les syndicats policiers qui ont porté plainte contre le groupe. Lorsque NTM se défend en disant qu'il s'agit d'un exutoire à la violence, on ne peut guère les prendre au sérieux. Ce soir-là, à la Seyne-sur-Mer, on a franchi les limites de la liberté, disent-ils. Et ils ne sont pas les seuls. Les deux chanteurs du groupe NTM, Nick Tamer, ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Toulon à 3 mois de prison ferme et à 6 mois d'interdiction d'exercer leur métier sur l'ensemble du territoire français. Lors d'un concert à la Seyne-sur-Mer le 14 juillet, ces deux rappeurs s'en étaient pris aux forces de l'ordre en les injuriant avant d'interpréter une chanson intitulée « Police », jugée outrageante par cette profession. Reportage Pascal Doucet-Bon, Philippe Vissérias. C'est clair et net, la démonstration est faite, 10% pour Le Pen, aux élections c'est une défaite. Sulfureux, subversif, verbalement violent, depuis 7 ans les NTM s'attaquent au Front National et aux institutions, dont la police. 3 mois de prison, 6 mois d'interdiction de chanter, la décision est sans précédent et en a surpris plus d'un, à commencer par la maison de disques et le défenseur de NTM. Je vous rappelle que c'est le 15e anniversaire de la mort de Brassens qui a dit sur les gendarmes... pire et autant que ce qu'ont pu dire les gens d'NTM. Ce sont d'abord des poètes, ils sont donc subversifs, comme l'ont été d'autres avant eux. Et je pense que c'est vraiment leur rôle dans le paysage artistique français. Leur rôle, c'est pas d'aller en prison. Cette sanction de la prison ferme, donc, et une interdiction d'exercer est une première en France. Elle dépasse même les attentes des plaignants qui espéraient une peine symbolique et purement financière. Coup de tonnerre, en tout cas pour l'entourage de NTM, mais pas pour ceux qui connaissent le juge en charge de l'instruction, un certain Claude Boulanger, ancien des renseignements généraux, conservateur, bref, pas franchement le genre à apprécier un groupe comme NTM. Et puis, pas de collégialité pour cette affaire, mais une audience à juge unique, procédure d'ordinaire réservée aux dossiers les plus simples. C'est donc Claude Boulanger, le sévère Toulonnais, qui a décidé seul du sort des deux rappeurs et a imposé l'interdiction d'exercer de 6 mois. Une décision inacceptable pour Michel Blum, l'avocat de la Défense, qui fait immédiatement appel. Il se dit aussi que Jean-Charles Marchiani, le préfet du Var, qui a obtenu la déprogrammation de NTM à Château-Vallon, proche du maire, Front National de Toulon, est très écouté de certains magistrats varois. En cette fin d'année 96, le procès de Cool Chen et Joey Starr révèle les conflits qui traversent l'institution judiciaire, mais aussi et surtout l'ensemble de la société française. Suite à leur condamnation, les rappeurs de NTM vont brutalement découvrir la portée de leur musique. Alors qu'ils avouent eux-mêmes de ne pas se prendre au sérieux, Cool Chen et Joey Starr prennent conscience de l'importance qu'ils ont acquis dans la société française. Le procès du Var agit comme un révélateur, déclenchant des débats qui mêlent indistinctement liberté d'expression et banlieue, alors que de nouvelles émeutes explosent à l'automne 95. Après l'annonce de la sanction imposée à NTM, la gauche réagit de manière unanime. Chez les intellectuels, comme chez les hommes politiques, c'est l'indignation face à ce qu'on qualifie de censure. Lionel Jospin, alors premier secrétaire du PS, parle de provocation judiciaire et de stupidité, tandis que Jack Lang condamne publiquement la peine au nom de la liberté d'expression. Au moment où l'on va faire entrer André Malraux au Panthéon samedi prochain, je ne peux pas ne pas me souvenir que des censeurs de tout poil avaient demandé au ministre de l'époque d'interdire la pièce de Jean Genet, les paravents, qui mettait en cause les militaires pendant la guerre d'Algérie. Et André Malraux leur a répondu avec vigueur: il faut réfléchir à deux fois avant de jeter la liberté par la fenêtre. Et Malraux avait conclu: je choisis la liberté. Et je choisis, à l'image de Malraux, la liberté. À droite, en revanche, on est embarrassé et même divisé. Car dès le lendemain de la condamnation, coup de théâtre, Jacques Toubon, le ministre de la Justice, demande au parquet de faire appel. Sur le plateau de Canal+, il n'hésite pas à se dire frappé par la sévérité de la sentence, estimant que les artistes ont, quels qu'ils soient, en quelque sorte, une liberté qui fait partie de leur art. Pour une partie de la droite, c'est une soumission politiquement correcte et une remise en cause de la sentence du juge Boulanger. Alors quoi ? Le garde des Sceaux cautionne la violence envers la police, voire l'incitation au meurtre. La droite se scinde en deux. Les uns jugent la sanction infligée à NTM excessive, comme Jacques Toubon l'a dit, mais aussi le ministre de la Ville, Éric Raoult, le ministre de la Culture, Philippe Douste-Blazy. D'autres considèrent le délit trop grave pour être toléré, tels Jean-Claude Godin, Raymond Barre ou François Léotard. La droite la plus à droite, elle, va rapidement délaisser la question de la liberté d'expression pour se focaliser sur celle des banlieues et de l'insécurité. Écoutons Philippe de Villiers face à Christine Ockrent sur France 3. Au moment même où le groupe Nick ta mère, Alassane-sur-Mer, appelle à casser du policier, avec des appels à la haine, et qui sont outrageants pour la police, et qui sont des incitations à la violence, à ce moment précis, il y a une jeune femme qui se fait tabasser dans le métro, qui s'appelle Sandrine, on n'en parle plus, elle est à l'hôpital. Et il y a deux jours, à Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, il y a aussi un policier qui a reçu un morceau de béton du 11e étage d'un immeuble, sans que personne n'ait un mot de compassion. Les gens qui nous regardent en ce moment, et qui ne sont pas au Front National, et qui sont des électeurs de Jacques Chirac au deuxième tour, sont troublés, pour ne pas dire ulcérés, de voir que le gouvernement n'ose pas affirmer les choses, affirmer nos valeurs. Il mène une non-politique et il se plie devant les injonctions de l'intelligentsia de la gauche. Joey Starr et Kulchen, qui refusent toujours le rôle de leader qu'on souhaite leur imposer, répètent inlassablement ce qu'ils ont toujours dit. NTM n'est rien d'autre qu'un haut-parleur qui transmet un constat, l'expression d'un ras-le-bol. Et sur les plateaux de télé, dans la presse, les deux rappeurs continuent de parler haut pour défendre leur vision du monde depuis la banlieue. La gardienne de la paix violée dans un RER et le policier écrasé par un bloc de béton à Villeneuve-la-Garenne en octobre 1996, ils ne les pleurent pas plus qu'un autre drame. Je ne suis pas pour que les keufs se fassent tirer dessus, mais pas non plus pour qu'ils viennent savater des jeunes dans un commissariat simplement parce qu'ils sont en état d'ébriété ou qu'ils ont oublié leurs papiers, explique Kolchen dans Libération. Oui, il y a des jeunes qui cassent, concèdent les deux rappeurs. Mais quand des voitures sont brûlées, quand des vitres sont brisées, quand un policier est agressé, ce n'est pas parce que NTM l'a ordonné à ses partisans à travers un morceau de rap ou des provocations scéniques, non, mais parce que des jeunes sont morts et que souvent la police est en cause. Dormez tranquille, il n'y a pas de coup d'état qui s'organise, ironise Kulchen. Bavure policière, insécurité, racisme, liberté d'expression, les polémiques qui agitent la France finissent par atteindre la rue. Tandis que le Parti communiste, SOS Racisme et d'autres organisations manifestent à Paris contre la censure, l'État policier, le FN, les syndicats de police organisent eux aussi des manifestations. Confrontées à des provocations quotidiennes dans les quartiers de banlieue, les forces de l'ordre se sentent elles aussi abandonnées par l'État qui elles réclament de meilleures conditions de travail. À Clichy, des policiers réagissent quelques jours après la condamnation de NTM. Bah écoutez, moi je personnellement, ça ne me choque absolument pas qu'ils aient été condamnés. Qu'ils soient condamnés à de la prison, ça je trouve que c'est peut-être un petit peu plus violent. Mais ceci dit, ça servira d'exemple, à mon avis c'est pas mal. Moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire ce lieutenant. Les gens qui, mais qui crachent sur la police, bon, ils ont mérité ce qui leur arrive, je pense. Vous vous sentez pas touché par les insultes que le groupe NTM a pu proférer? Si, bien sûr, parce qu'au-delà des insultes sur la police, des insultes sur la France. Sur la France et puis les gens qui la servent. Les policiers, il y en a qui donnent leur vie justement pour faire respecter l'ordre et pour que la société marche d'une façon à peu près normale. Je crois que n'importe qui a envie, quand il descend le matin et chercher quelque chose à la boulangerie, de ne pas se faire braquer, de ne pas se faire insulter. Y a des gens qui sont là pour ça et ils s'appellent les policiers. Et ils ont droit à un certain respect, c'est tout. Vous pensez vraiment qu'on peut se faire braquer quand on descend chercher son pain le matin? Peut-être Écoutez, je ne sais pas où vous habitez, mais à l'habiter dans une banlieue, si vous avez mis dans une banlieue, certainement lieu chaude, et je crois que vous prendrez la chose avec un peu plus de sérieux. Le 23 juin 1997, deux ans après le concert de la Seine-sur-Mer et autant de polémiques, le procès en appel de Kulchen et Joey Starr a enfin lieu. Par souci d'apaisement, ce sont ces mots. Le procureur général demande que la peine soit allégée et limitée à une sanction financière. La cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme la culpabilité de Didier Morville et Bruno Lopez, mais elle réforme le jugement pris en première instance et condamne les deux chanteurs à 25 000 francs d'amende et 2 mois de prison avec sursis. Une sanction qui n'empêche pas NTM de continuer à dire ce qu'il pense des forces de l'ordre. Invité à se produire au Parc des Princes, aux côtés de David Bowie, Rage Against the Machine et de Wu-Tang Clan, NTM invite les 40 000 spectateurs présents dans le stade à lever le majeur et à scander en chœur « Nique la police ». En 1998, NTM sort Suprême NTM, l'album de la consécration. 40 000 albums sont vendus le premier jour, un record. Disque de platine, NTM traverse la France et enchaîne les zéniths avant de donner son dernier concert le 18 décembre 1998. Le groupe, qui se reformera 20 ans plus tard pour une tournée nationale, aura marqué les esprits et la société française par une présence médiatique houleuse, mais surtout par les constats brûlants qu'il n'a cessé d'établir. Dans son viseur, violence policière, mais aussi magouille politicienne, abandon des banlieues, banalisation du Front National. Un discours engagé, irrévérencieux, parfois violent, qui dérange certains aujourd'hui encore. Car les fractures qu'ont révélées les polémiques autour du procès du Var, déjà bien ouvertes dans les années 90, ne sont sans doute toujours pas refermées. Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignons, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux, sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies, perdant toute mesure, se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol. En voyant ces braves pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore sous la forme de Maccabée. De la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hippipipoura. Frénétique, l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle ce qui passe à sa portée. Il tombe, tombe, tombe, tombe, et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leur victime avait eu leur compte en deniant, ces furies comme outrage ultime en retournant à leurs oignons. Ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur auraient même coupé les choses, par bonheur ils n'en avaient pas. Leur auraient même coupé les choses, par bonheur ils n'en avaient pas. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. NTM et le rap, aujourd'hui une culture et un cri. Notre invitée, Bettina Guillot, bonjour. Bonjour, êtes... merci pour ce reportage. Mais je vous en prie, c'est un plaisir. Vous êtes chercheuse en littérature à l'Université Paris 3 et auteur du livre intitulé « Sans faute de frappe », publié chez Le Mot et le Reste en 2016. Alors vous êtes argentine, comment en êtes-vous venue à vous intéresser au rap français ? Bah, c'était justement par curiosité des littéraires, parce que j'arrive en France dans les années 2000 et justement j'avais une expérience d'enseignement de l'espagnol dans un lycée parisien. Et voilà, en même temps que j'ai commencé à entendre le rap, j'ai écouté dans la salle des professeurs des arguments très très négatifs par rapport au rap. Et ça m'a interpellée parce que j'ai trouvé dans ces textes un intérêt esthétique au-delà du discours qu'on pouvait entendre. Et ça allait en contradiction avec le peu d'attention que les professeurs lui accordait. Donc voilà, c'est à ce moment-là que ça m'a interpellée, et j'ai eu l'intérêt de faire une recherche vraiment sur le rap en littérature. Mais auparavant, vous étiez intéressée au rap américain qui est antérieur ? Et pas vraiment, en fait, j'écoutais un peu, mais c'est vrai, j'étais une amoureuse, si on peut dire, de la littérature et la langue française à l'époque. Donc je suis venue en France pour faire des études littéraires, donc pour faire des études en littérature, et c'est en écoutant le rap que c'est plus un sentiment de retrouver dans le rap et des similitudes avec des textes qui me plaisaient, des textes littéraires, mais pas forcément des textes de rap. On dit, à juste titre d'ailleurs, que l'anglais est la langue du rock et de la pop, surtout du rock. Est-ce que vous diriez que le rap est une langue française ? Ça veut dire, est-ce que la structure même de la langue française s'accorde avec la structure musicale du rap ? Est-ce qu'il y a une fusion presque naturelle ? Oui, apparemment. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que de voir que les premiers rappeurs dans les années 80, quand ils commencent à faire du rap, au début... Et ça allait sembler évident de le faire en anglais, parce qu'apparemment, comme le rap, c'était un produit anglophone. Mais tout de suite, c'était vraiment tout de suite qu'ils ont compris que la langue française, avec des sonorités très particulières, qui étaient très pertinentes à la forme rap et qui permettaient justement de faire des vers, des rimes, des phrases beaucoup plus, qui avaient vraiment toute sa pertinence. Donc, et tout de suite, ces rappeurs français ont commencé à rapper en français. Et donc, la langue française, elle est devenue une langue de rap, à tel point que la France, elle est considérée la deuxième nation du rap au niveau mondial. Ah ben voilà. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a encore, et quand même, alors en fonction des classes d'âge aussi, c'est vrai, mais une dévalorisation du rap en tant qu'objet culturel et littéraire. On vient de le dire, nous sommes d'accord, le rap, objet culturel et littéraire, c'est clair. Pourtant, ça ne semble pas être admis. Pourquoi ? Non, c'est loin d'être admis. Après, il y a différentes raisons. Je ne pense pas que ce soit qu'un problème qui est du rap exclusivement, mais il me semble que c'est quelque chose qui s'est lié en fait à la culture et à la tradition française, dans le sens que la France, elle a un attachement très très important avec l'écriture, avec la littérature écrite. Donc tout ce qui va venir du point de vue de l'oralité, ça va être moins bien considéré, moins apprécié comme littéraire. Après, il y a une question aussi. Il y a différents facteurs par rapport au rap. Il y a une méfiance par rapport à tout ce qui vient de la jeunesse, de tout ce qui produit des jeunes. Donc, le rap, surtout dans les années 90, c'était produit par des jeunes. NTM, ils avaient 18 ans dans les années 80, et quand ils sortent le premier disque, ils étaient encore jeunes. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus le cas. Et d'ailleurs, il y a des rappeurs qui sont plus du tout jeunes, qui touchent la cinquantaine. Mais il y a toujours cette méfiance. Ce qui n'est pas si vieux non plus. Enfin bon. Voilà. c'est vrai, pas l'image des jeunes adolescents, des jeunes adolescents, je parle. Donc il y a une méfiance en tout cas à tout ce qui vient des jeunes. Ensuite, il y a une question sociale aussi, ou des classes sociales si on peut dire. Il y a une méfiance aussi de tout ce qui vient des quartiers populaires, de la culture du pauvre si on peut dire, ouais. Et aussi une méfiance peut-être ethnique aussi, tout ce qui vient du côté des populations issues de l'immigration. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux et qui se rejoignent dans cette dévalorisation, si on peut dire, du rap. Et quel est votre regard sur la musique que produit le rap? Parce que le rap, c'est des paroles, c'est un discours, c'est de la musique hein, aussi. Mm-hmm. Bon, moi, en tant que littéraire, je m'intéresse bien évidemment à ces... J'ai bien compris, mais enfin, vous n'êtes pas complètement neutre, vous ne dites pas que c'est de la musique. Non, non. Voilà, quel est votre rapport à la musique rap? Les côtés musicaux, bien évidemment, c'est à tout un intérêt parce que ça va contribuer au sens aussi d'un morceau. Et donc, par exemple, dans Police qu'on a écouté tout à l'heure d'NTM, justement, tout ce qui va être la technologie du son et les scratchs du premier hymne rap Fagda Police. Et voilà, ensuite, des rires enregistrés qu'on va trouver au même niveau que les morceaux. Toute cette musicalité, si on peut dire, tous ces ajouts musicaux vont aussi contribuer au message finalement de ces morceaux qui essaient de dénoncer les fonctionnements de la police, de les critiquer. Et parfois, concernant la musique, il y a un métissage du rap avec la musique classique notamment. Mm-hmm. Et on s'aperçoit que c'est un métissage qui fonctionne bien, que c'est mm-hmm. harmonieux. Harmonieux et joli. Bon, alors dans le rap, il n'y a pas encore de vieux parce que c'est trop jeune le rap comme culture, mais il y a des anciens jeunes, et puis il y a des vrais jeunes, des jeunes jeunes d'aujourd'hui. Et on va s'intéresser à l'un d'eux, un rappeur nouvelle génération, Joe Le Feno. Alors Joe Le Feno, j'imagine que pas mal de nos auditeurs le connaissent. Le 8 décembre 2017, ce rappeur parisien, alors qu'il vit à Ménilmontant, était condamné pour son morceau intitulé « Bavure » après une plainte du ministère de l'Intérieur pour incitation à une atteinte volontaire à la vie et injure publique envers une institution publique. Voilà, c'est une première d'ailleurs depuis la condamnation de NTM en 1997. Bonjour Anna Verzo. Bonjour. Vous êtes notre reporter et vous êtes allé rencontrer justement Joe Le Feno, c'était vendredi dernier. Voilà, dans un quartier populaire du 20e arrondissement de Paris, le quartier des Amandiers. Et nous nous sommes retrouvés dans le centre, la 20e chaise, qui propose des activités pour les habitants. C'est un endroit très convivial. Et en arrivant, nous nous installons dans la salle principale, pas loin d'un groupe d'enfants qui viennent là prendre le goûter et faire leurs devoirs. Voilà, et c'est en partie ici, dans ce centre de quartier, que Joe Le Feno a construit sa culture sociale. On l'écoute. Et c'est là, Joe Le Feno. Joe. DJ, tu vois, comme DJ. C'est ton nom d'artiste. C'est mon nom d'artiste, tout le monde m'appelle Joe. Et Le Feno, j'ai rajouté ça parce qu'on me disait souvent, ouais, toi t'es un phénomène, donc ça fait Joe Le Feno. Le quartier, vous l'appelez aussi la banane. La banane, c'est l'autre facette de Paris, celle qu'on montre pas trop. En fait, il y a des rues bobos et il y a aussi des rues ghetto. T'as commencé la musique à l'âge de 14 ans? C'est ça, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à écrire. Est-ce que tu connais NTM? Ça veut dire nique ta maman. C'est pas du tout ta génération, hein. Toi t'as 23 ans. Ouais. T'as écouté étant gamin? Bah, étant gamin, j'ai écouté Assassin de la Police, les morceaux classiques qui ont tourné, quoi. Ils ont été condamnés pour les paroles d'une chanson, mais également pour des propos qu'ils ont tenus au cours d'un concert le 14 juillet 1995. Et les propos, donc je te l'ai dit, c'est « J'encule et je pisse sur la justice, la police, ce sont eux les fachos ».« Je pisse sur la justice », c'est des paroles d'une chanson à toi, non? C'est marrant parce que c'est ce que j'allais te dire là, c'est exactement comme ça que je commence mon couplet dans Bavure 1. Comment, tu peux nous le dire? Je pisse sur la justice et sur la mère du commissaire. Chacal, c'est triste, trop de nos frères sont partis à cause d'une bavure policière. Leur donner du respect évité, sans hésiter, faut les fumer. Sous commission et la cité, à notre tour de prendre des clichés, souriez, vous êtes filmés. Bande de putains, vous n'êtes plus qu'à tourner et baver. Plainter et passer aux aveux, enchaîner les bavures et mentir aux baveux, t'as vu? C'est celle du plus fort ici, c'est pas la police qui fait la loi. Leur tête a bougé dans le freestyle, moi. Et maintenant, Zerma, ils en veulent à moi. Titi, moi, vous en fait hurler. Les condés ne passaient plus dans la cité, pour ça qu'au final, les GP sont brûlés. Où sont les condés? On va les taper. Combien décédés? On peut plus compter. Où sont les condés? On va les taper. Combien décédés? On peut plus compter. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'on est 20 ans après, par rapport à NTM, et en fait, vous dites exactement la même chose. Exactement, c'est le même message. Visiblement, 20 ans après, ça n'a pas changé. Je pense que ça s'est empiré même. Les coups pour rien. Juste après qu'il y a eu la plainte contre moi, y a des policiers de la BAC de nuit qui sont venus dans le quartier et qui me cherchaient. Ils sont partis voir les jeunes, les plus jeunes que moi, en leur disant « Où est Joe Feno, ce fils de pute? On va lui faire bouffer des bananes. » Moi, je pense qu'ils m'insultaient parce que je suis Joe Feno et parce que j'ai chanté « Bavure ». C'est ça, et « Bavure », visiblement, ça a vraiment touché certains policiers. Il y en a même qui sont venus me le dire. C'est le ministère de l'Intérieur qui a porté plainte? C'est ça, c'est Bernard Cazeneuve qui a porté plainte. Voilà, on est en état d'urgence, etc., etc. C'est peut-être que derrière lui, il avait la pression des policiers. L'audience a duré 4 heures? C'est ça, c'est long, surtout quand tu restes debout. Et puis finalement, tu as été condamné à une amende? C'est ça, une amende de 2000 euros, plus les dommages à intérêts et le jugement, ça revient à 6700 euros. Et vous n'avez pas fait appel? Non, j'ai pas fait appel. J'ai pas trop confiance en cette justice. Donc j'ai pas voulu faire appel parce que je savais que si je faisais appel, j'allais prendre plus. Je voulais pas prendre de prison avec sursis, déjà que j'ai déjà du sursis. Par rapport à quoi? C'était l'époque où les policiers me cherchaient dans tout le quartier, en fait. Et un beau jour comme ça. Pourquoi ils vous cherchaient? Pour m'embêter, je pense. Donc un beau jour comme ça, ils sont tombés sur moi. J'étais sur un scooter à l'arrêt. Donc ils ont commencé à me fouiller, à me contrôler. Et puis voilà, c'était la fête pour eux là-bas au commissariat. Au final, j'ai fini par sortir 2 jours après, mais j'ai été déféré au dépôt quand même. J'avais un stick sur moi, un joint, et un petit bout de résine de cannabis. Et ils m'ont mis 3 mois de sursis pour ça. En fait, ils voulaient juste m'avoir, quoi. Alors, après sa condamnation, Joey Starr, il avait déclaré « Nous parlons du quotidien dans l'urgence et de préférence en tapant du poing ». Oui, c'est ce que je fais. C'est exactement ce que je fais. Mais est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas le rap? En fait, je retransmets ce que je vis. Mon quotidien, il est agressif, ma musique, elle va être agressive. Vous avez été condamné. Est-ce que vous allez arrêter de parler des bavures policières? J'arrêterai, je pense, si ça s'arrête. Je ferai peut-être plus attention à mon message, mais j'arrêterai sûrement pas. Au contraire, ça me donne encore plus de force. Et ouais. C'est Joe Feno. Analyse. Ce garçon est jeune, hein, 23 ans, c'est ça? 23 ans. Il semble y avoir déjà une certaine maturité dans sa réflexion, comme une sorte de révolte cool en même temps. Oui, il est très tranquille. Hein. C'est sûr qu'il n'est pas bouillonnant du tout. Par ailleurs, il a un boulot, il est livreur. Voilà, c'est un rappeur, a priori, assez tranquille. Bon. Bettina Guillot, je rappelle que vous êtes notre invitée, que vous avez écrit ce livre intitulé « Sans faute de frappe, rap et littérature ». Alors, on a quand même l'impression que le rejet des forces de l'ordre, c'est une thématique qu'on retrouve beaucoup à travers les différentes générations de rappeurs. Ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler le corpus rapologique. Et ça remonte à loin, d'ailleurs, ça, dans la tradition française. On a entendu Brassens tout à l'heure. Ça, c'est quand même énorme. J'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides, quand Brassens dit du haut de la mansarde où je réside. Ça allait très, très, très loin. Mais enfin, bon, ça passait. Alors, savoir pourquoi, quand c'est des rappeurs le font, ça passe moins. En tout cas, ce rejet des forces de l'ordre, comme ça, ou de l'ordre, ça remonte loin, même à Guignol, non? Oui, et on peut même dire plus loin encore. Donc là, je les montre dans mon bouquin. Donc, tout s'inscrit finalement dans une tradition très française, si on peut dire. Donc les théâtres des rues, donc Guignol. Donc on peut se rappeler de toutes ces scènes où Guignol tape avec des coups de bâton sur les gendarmes. Et donc, une tradition qui se retrouve aussi dans la chanson. Donc bien évidemment, Brassens. Il a plusieurs chansons gendarmicides, si on peut dire. Donc moi, j'aime bien ces mots. D'ailleurs, je les récupère justement, ces termes, pour indiquer ce qui se passe finalement dans l'arabe, dans cette accusation à la police ou dans ces mots virulents envers la police qui doit rester finalement dans un système symbolique. En fait, les gendarmicides, c'est ces désirs de l'artiste, de l'artiste qui s'exprime, de tuer les policiers ou les gendarmes, mais qui reste vraiment dans un univers symbolique, de fiction. et comme dans une pièce de théâtre, finalement, comme le théâtre des Guignols. Et quand je dis plus ancien aussi, on peut remonter à la culture du carnaval aussi, au Moyen-Âge même, où justement tout cet emploi du langage du corps, du bas du corps, en fait, toutes les grossièretés, les gros mots qui étaient vraiment employés pour détrôner l'autorité. Donc c'était une semaine, c'était des jours de licence où tout était permis, et où les puissants jouaient les rôles de moins puissants, et où le peuple avait le droit, en fait, de lancer des excréments sur les autres. Et de là, ces expressions, et comme pisser sur, bon voilà, qui viennent, en fait, de cette origine-là. Donc il y a toute une symbolique. Et dans le cas du rap, le problème, c'est que, voilà, on nie les côtés de littérature qu'il peut avoir dans un morceau de rap. Et donc, les problèmes viennent de là, finalement. Il faudrait les écouter attentivement, mais on s'apercevrait que ce sont des jongleurs de mots, en fait. Hein. Mm-hmm. Ils ont le sens de la rythmique des mots, des allitérations, des consonances, voire des dissonances. Et oui, c'est une matière que les rappeurs travaillent avec beaucoup de talent. Mais il y a toujours cette image-là qui fait que c'est comme une espèce de mur là qui s'érige entre un art et puis ce qu'il y a autour de l'art. Oui, mais justement, parce qu'on va toujours privilégier le côté et mec violent des banlieues de la part d'un rappeur à la place de regarder de près ses textes. Et donc, il y a beaucoup de rappeurs qui souffrent de ça, d'ailleurs, qui le disent. On a du mal à se débarrasser de cette mauvaise image du rappeur. Et à chaque fois qu'on est invité sur les plateaux de télévision et tout ça, ils vont toujours insister soit sur la vulgarité dans les propos, soit sur les problèmes qui entre différents rappeurs et tout ça. Mais on ne va jamais regarder de près les textes et on ne va jamais considérer les rappeurs comme des virtuos. Très, très, très peu, très rarement. Alors, on l'a fait avec MC Solar. MC Solar, oui. C'est du rap un peu bobo, un peu bourgeois, mais un peu tranquille. Mais c'est vrai qu'avec un vrai, vrai talent pour faire jongler les mots. Alors, on va justement essayer de comprendre mieux le rapport des rappeurs à la chanson française. On va écouter Joey Starr. Alors, à l'époque, tout jeune rappeur, en 93, il explique son envie de jouer, justement, avec cette langue. Moi, mon chemin, moi... C'est écrire des paroles, quoi, mais pas écrire des paroles pour faire du rap, quoi. Je veux dire, écrire des paroles parce que c'est un kiff, quoi, ouais. Surtout. Non, le truc, à la base, quand on a commencé, c'était pour jouer avec les mots, quoi, tu vois. Genre, le délire, parce que la langue française, c'est un truc trop large, quoi, tu vois. Et genre, je sais pas, pouvoir démontrer que le français, comme on le dit dans nos textes, fuse autant que l'anglais, quoi. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses aussi rondes en français qu'en anglais. C'est vrai que c'est pas évident, mais y a une recherche, quoi. Chez NTM en particulier, est-ce qu'il y a un style propre à l'écriture, on va dire, de Kool Shen et de Joey Starr qui serait reconnaissable, comme on reconnaît, je sais pas, Marguerite Duras, Proust? Est-ce qu'il y a un style NTM? Oui, bon, bien évidemment, comme il y a un style de plusieurs rappeurs, mais justement, moi, je trouve qu'un thème a cette particularité de faire cohabiter dans un même texte, par exemple, des mots familiers, des mots de la langue de tous les jours, avec des mots soutenus, donc des phrases vraiment très littéraires qu'on peut les retrouver dans un texte écrit et qui va être dans un texte très virulent, comme « Qu'est-ce qu'on attend pour foutre les feux ?» Donc ça, c'est une particularité très, très impressionnante. Chez NTM, d'autres rappeurs l'ont aussi, mais chez lui c'est très frappant. Mais ça m'intéressait justement ce qu'il disait chez Westar. Il faut pas oublier que les premiers morceaux d'NTM, je rap qui sort dans les disques Rap Attitude, justement, c'était une sorte de manifeste de l'art de rapper où il mettait en avant, les rappeurs mettaient en avant ces plaisirs qu'ils prenaient de faire du rap, que c'était un plaisir de maîtriser la langue d'un point de vue littéraire, d'un point de vue poétique, et où il n'y a pas du tout question ni de la police, ni de la des situations des banlieues. Donc un thème vraiment rentre dans la musique rap avec un morceau qui va privilégier l'aspect esthétique du rap. Et vous êtes penché aussi sur l'œuvre d'IAM? Aussi, oui, bien évidemment, oui, des piliers, un autre pilier aussi comme un thème de la même époque. D'ailleurs, Ayam, ce qui est intéressant, c'est que ça continue encore, il continue encore à sortir des disques, donc oui. Et quelle est la figure de style, finalement, qu'on retrouve le plus chez les rappeurs? Donc, on a des figures, des sonorités, donc très, très intéressantes, comme les allitérations, les paronomases, donc l'effet de jouer sur des mots qui se ressemblent un peu, et comme des arrois, les Jarois dans Police. Ça s'appelle comment ça, cette figure de style? La paronomasse. La paronomasse. Donc, celle-ci, elle est vraiment une figure privilégiée des rappeurs. Après, il y a des figures liées aux rimes. Donc, des rimes très anciennes qui sont plus utilisées dans la poésie actuelle, qui ont utilisé au Moyen-Âge, comme la rime équivoquée. Donc, c'est le fait de faire rimer des mots, pas seulement à la forme, mais à l'intérieur d'un vers. Mmh. Et après, il y a des figures d'écriture, comme la métaphore filée d'un Paris sous les bombes ou d'autres. Bien sûr, la bombe détaillée. Merci beaucoup, merci infiniment. Donc je rappelle le titre de votre livre, Bettina Guillot, Sans faute de frappe, rap et littérature. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. NTM, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Tristan Gratalon qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons le film Le Corbeau d'Henri-Georges Clouzot, bien sûr.